Le forfait mobile 60 gigas de SFR débarque chez Léa Champ de Noël. Il est là le forfait 60 gigas. Mes musiques, mes vidéos, je partage à gogo. Oh, il est là le forfait 60 gigas. Tous ces gigas à 10 euros, ça c'est vraiment cadeau. Pendant le Noël de SFR jusqu'au 6 janvier, partagez encore plus de bons moments avec le forfait 60 gigas 4G+, à seulement 10 euros par mois pendant un an, puis 25 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, réservée aux clients SFR Family pour toute nouvelle souscription avec engagement 12 mois. Aujourd'hui dans l'affaire sensible, les grandes grèves de 1995. Grève, voilà un mot familier pour nous Français. Perturbation, gêne et conquête sociale, la grève pour le meilleur et pour le pire. À l'automne 1995, en poste depuis 6 mois, Alain Juppé, Premier ministre, annonce une réforme des retraites et de la sécurité sociale. Face à ce qu'on rebaptise bientôt le plan Juppé, les principaux syndicats du pays, tenus éloignés au cours de son élaboration, lancent un appel à la grève. Le gouvernement et son chef ont arrêté leur stratégie. Ils tiendront, attendront que la colère s'épuise et la réforme passera. Oui, mais dans un curieux mélange de hasard, d'erreurs de communication et de contexte social délicat, la grève s'installe et le pays se retrouve paralysé pendant 4 semaines. Rapidement, les grèves se transforment en mouvement social et politique, si bien que derrière le plan Juppé, c'est pour une certaine idée du service public, de l'État et même de la démocratie que se mobilisent les salariés. « Tous ensemble », disait le slogan de ce qui reste aujourd'hui un point d'orgue de l'histoire sociale de la France contemporaine et donc politique, syndicats et médias pointent des résonances réelles ou supposées avec la situation sociale d'aujourd'hui. En seconde partie d'émission, nous recevons Christophe Forcari, journaliste à Libération, notre partenaire. Une fois par mois, nous tenterons avec lui de comprendre pourquoi ces grèves de 95 sont si présentes dans les médias en ce printemps 2018. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Mézolob, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacuboviez et Fabrice Lègle. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. novembre 1995, Paris, Assemblée nationale. C'est un homme confiant et déterminé qui s'avance à la tribune du Palais Bourbon ce jour-là. À 50 ans, celui que le président de la République, Jacques Chirac, élu quelques mois auparavant, aime à présenter comme le plus doué de sa génération, le meilleur d'entre nous, disait-il, affiche, il est vrai, un curriculum vitae irréprochable. Normalien, agrégé, narque, inspecteur des finances, président du RPR, maire de Bordeaux, ancien ministre des Affaires étrangères et donc, depuis 6 mois, Premier ministre. Pour autant, à l'image des premiers temps du retour de la droite à l'Élysée, le chef du gouvernement donne l'impression de naviguer à vue, sans ligne directrice. Quelques semaines plus tôt déjà, au cours d'un entretien télévisé, Jacques Chirac avait annoncé aux Français qu'il changeait de braquet. Fini la fameuse fracture sociale, dont le candidat avait fait son slogan de campagne, place à la réduction des déficits publics, avec un objectif clair, répondre aux critères exigés par le traité de Maastricht en vue de l'entrée de la France dans la monnaie unique d'ici 2 ans. Les fameux critères de convergence qui continuent aujourd'hui à dicter la politique des pays membres. Une réorientation qui satisfait Alain Juppé. Sa mission est clarifiée, le cap fixé. Il va enfin pouvoir prouver les qualités que tous lui reconnaissent. Puissance de travail, sérieux et ténacité. Il s'apprête d'ailleurs à lancer une ambitieuse réforme sur laquelle il travaille depuis plusieurs mois dans le plus grand secret. Si bien que, ce 15 novembre, au moment où le Premier ministre se lance dans son exposé, personne ne sait vraiment de quoi est fait ce projet. Je tiens à prendre devant vous, et solennellement, un double engagement. La volonté, je dirais presque l'obsession du gouvernement, c'est de maintenir et d'améliorer la qualité des soins dont bénéficient les Français quand ils en ont besoin. La qualité n'est pas et ne doit pas être négociable. Il ne s'agit pas simplement de boucher un trou. Il s'agit de faire en sorte que les Français soient bien soignés. De même, nous nous refusons à entrer dans la voie du rationnement des soins ou de la réduction des remboursements, car on sait bien que ces techniques de maîtrise comptable de la dépense de santé pénalisent d'abord les plus modestes et les plus fragiles. Bon, dans les premières lignes, ce plan pour la sécurité sociale paraît bien intentionné. Jusqu'à ce qu'Alain Juppé déroule ce qui s'annonce comme la plus ambitieuse réforme de ces dernières décennies. Car ce plan comporte 50 réformes. Ce n'est pas le replâtrage attendu et moqué par les commentateurs et adversaires politiques, mais bien une restructuration de fond du système de santé des Français, avec pour objectif la réduction du fameux trou de la Sécu, 250 milliards de francs à l'époque. Le plan prévoit notamment une nouvelle contribution sociale élargie à tous les revenus, le blocage et l'imposition des allocations familiales, l'augmentation des cotisations maladie pour les retraités et les chômeurs, l'accroissement des tarifs d'accès à l'hôpital pour les patients et des restrictions sur les médicaments remboursables. Tous les aspects du système de santé français sont visés, même les retraites sont concernées. Alain Juppé prévoit en effet la suppression des régimes spéciaux et l'alignement de la durée de cotisation des salariés du service public sur celle du privé, passant de 37 années et demie de cotisation à 40. Enfin, clé de voûte de l'édifice, la transformation du mode de gestion de la sécurité sociale. Désormais, l'État reprend la main et le budget de l'assurance maladie sera voté par le Parlement. La rupture est considérable. Jusqu'à présent, la Sécu était l'affaire des partenaires sociaux, dont des syndicats, pas trop d'eau comme salariés. Cette mesure est une véritable révolution politique au regard de l'inspiration du modèle pensé à la libération, ce dont, d'ailleurs, a bien conscience Alain Juppé et il l'assume. J'en appelle maintenant à tous les Français. Ils savent qu'il faut réformer la sécurité sociale pour assurer son avenir. Ils comprennent que nous lui donnerons, grâce aux réformes que je viens de vous présenter, une chance nouvelle de durer et de progrès. L'addition des corporatismes et des égoïsmes qui existent et qui se manifesteront, je le sais, ne saurait arrêter notre élan. Si le sens des responsabilités, la primauté de l'intérêt général, la volonté de partage et de solidarité l'emportent, nous allons réussir ce qu'on n'a pas osé entreprendre depuis 30 ans. L'image frappe les esprits. Les trois quarts de l'Assemblée nationale debout applaudit l'exposé du Premier ministre. Alain Juppé esquisse un sourire, range ses papiers, descend les marches, l'air satisfait, car il le sait, il vient de remporter la première manche. Personne ne s'attendait à une réforme aussi ambitieuse. Le lendemain du discours, l'unanimité se transforme en plébiscite. Dans le camp des réformateurs socialistes, certains comme Michel Rocard ou l'ancien ministre de la Santé Claude Évin saluent la nécessité et le courage des réformes proposées. Le journal Libération parle d'audace. Dans un mélange de confiance et de défi, Alain Juppé déclare, le lendemain de l'annonce du plan, lors d'un entretien pour le quotidien Sud-Ouest, « Si 2 millions de personnes descendent dans la rue, mon gouvernement n'y survivra pas. Mais je ne crois pas à cette hypothèse. » Le Premier ministre s'attend malgré tout à une vague de protestations très forte, emmenée par les principales victimes de la mesure, les syndicats. Parmi eux, les trois principaux, la CGT, Force ouvrière et la CFDT. D'emblée, ce dernier, par la voix de sa secrétaire générale Nicole Notta, entend marquer sa différence. La CFDT, syndicat de gauche, a depuis plusieurs années engagé un recentrage réformateur. Grande première historique, la Confédération affiche son soutien aux grandes orientations du plan Juppé, donc à un gouvernement de droite. Ce qui n'est pas, mais alors pas du tout, le cas des deux autres syndicats, pourtant historiquement adversaires. Au premier rang, Force ouvrière, avec à sa tête Marc Blondel, de tradition réformatrice, mais qui est la cible prioritaire du plan Juppé. Car jusqu'à maintenant, c'était essentiellement Force ouvrière qui gérait l'assurance maladie. Enfin, la CGT, bien sûr, qui fête en cette année 1995 ses 100 ans d'existence, elle affiche elle aussi par la voix de son secrétaire général Louis Vianney sa farouche opposition au plan Juppé. En guise de plan de sauvetage, on est en présence d'un véritable plan de saccage. Et je crois que depuis 30 ans, effectivement, aucun gouvernement n'était allé aussi loin dans l'agression contre notre système de protection sociale. Et ce qu'il y a de grave, c'est qu'en fait, aucune branche, aucun secteur n'est épargné. Le dispositif mis en place pour le financement et le remboursement de la dette va conduire en 96 à un prélèvement supplémentaire de 75 milliards, dont 65 vont être supportés par les assurés sociaux, c'est-à-dire les salariés, les retraités et les chômeurs. L'ensemble des mesures n'appelle qu'un seul jugement de la part de la CGT, inacceptable, et qu'une seule réponse, la riposte la plus vigoureuse possible. Le Premier ministre s'attendait à cette réaction, mais il entend bien jouer de la cacophonie observée dans les rangs de l'opposition politique et syndicale. Ce qu'Alain Juppé ne mesure pas, toutefois, c'est le contexte social dans lequel il vient d'annoncer son plan. Il se trouve que 2 mois plus tôt, les fonctionnaires avaient appris le gel des salaires de la fonction publique. Le 10 octobre, suite à la grève générale lancée par les 7 fédérations de fonctionnaires, une première depuis 20 ans, soit dit au passage, une journée d'action nationale est organisée. Au même moment, une grève commence à la faculté de Rouen, bientôt rejointe par d'autres universités en province. Les étudiants interpellent le gouvernement sur le manque de moyens alloués à l'enseignement supérieur. Le ministre de l'Éducation, François Bayrou, a beau annoncer depuis plusieurs semaines un plan d'urgence pour les universités les plus démunies, le mouvement étudiant s'étend. Enfin, même si les différentes mesures exposées sont techniques et difficilement compréhensibles pour les non-spécialistes, les Français retiennent 2 choses. Primo, à partir du 1er janvier 96, un nouveau sigle composé de 3 petites lettres, RDS, pour remboursement de la dette sociale, s'ajoutera à leur cotisation et réduira leurs revenus. Deuxio, du côté des salariés du service public, on s'arrête sur un point essentiel qui s'est glissé dans le vaste plan de réforme au dernier moment, alors qu'il n'a pas grand-chose à voir avec la sécurité sociale, les régimes spéciaux de retraite et l'alignement de la durée de cotisation du public sur celle du secteur privé. Il n'en fallait pas plus pour allumer la mèche. Le 23 novembre, les 7 fédérations de fonctionnaires appellent à la grève unitaire pour le lendemain. Ce jour-là, à Paris, en province, on assiste à la première manifestation contre le plan Juppé, où l'on retrouve les fonctionnaires, quelques salariés du secteur privé et les étudiants. Une première journée au cours de laquelle, malgré l'unité affichée, quelques dissensions syndicales apparaissent. À Marseille, dès 10h30, la Canebière s'est remplie d'une foule colorée, beaucoup de ballons, de fumigènes, derrière les banderoles, majoritairement CGT. À Rennes, très forte mobilisation, plus importante que celle du 10 octobre, où l'on comptait déjà près de 15 000 personnes dans les rues. Dans le Nord-Pas-de-Calais, le campus de Lille 1, la faculté de sciences est fermée, de même que la préfecture de région, les cartes grises, les passeports et les principales mairies communistes de la région. Une grève administrative observée par 60% des pompiers du Nord-Pas-de-Calais, 60% également dans les centres de tri du courrier. Nicole Nota. À la CFDT, nous avons, concernant l'assurance maladie, des revendications qui ont été satisfaites à 85%. Donc nous n'avons pas l'habitude de dire non à un plan qui reprend 85% de nos revendications. Réforme du statut de la fonction publique et aussi pour la sécurité sociale et toutes les mesures jupettes qui ne conviennent pas du tout, qui ne résoudront pas le chômage, qui ne résoudront pas la délinquance dans les quartiers difficiles, qui ne résoudront rien. Neuf jours après son annonce, l'opposition au plan Juppé est en marche et elle se cristallise autour d'un point qui deviendra très vite point de fixation et de crispation, les retraites du service public. Le Premier ministre l'a annoncé, il y aura des résistances, il faudra faire front et la réforme, parce qu'elle est nécessaire, passera. Très bien. Mais ce que ni lui ni personne n'avait prévu, c'est une autre décision prise du côté de la SNCF. Le 23 novembre 1995, la SNCF entre dans la danse. Bon, jusque-là, rien de surprenant. Elle souhaite défendre ses retraites. Sauf que les cheminots votent une grève totale et surtout reconductible. Pour comprendre cette décision, il faut revenir quelques jours en arrière. Le 17 novembre, 2 jours seulement après l'annonce du plan Juppé, la direction de la SNCF et le gouvernement présentent au syndicat de l'entreprise un contrat de plan pour les 5 ans à venir. Objectif, réduction du déficit et son corollaire, gain de productivité. Mesure prévue, suppression de 6000 km de lignes, soit le quart du réseau, et réorganisation des services. En d'autres termes, menace sur les emplois, les salaires et l'organisation du travail. Avec en première ligne les cheminots à qui en 2 jours, on annonce 1. Que leurs conditions vont se détériorer, 2. Que leurs retraites seront alignées sur celles du privé. Leur grève illimitée provoque le blocage immédiat du pays et sert de détonateur au mouvement. Les agents de la RATP débrayent à leur tour, bientôt suivis par les conducteurs de bus. Rapidement, ce sont tous les transports publics du pays qui sont à l'arrêt, la France est paralysée. Le 28 novembre, une grande nouvelle manifestation nationale, lancée cette fois par Force ouvrière, est organisée. Les autres syndicats s'y joignent, et ce jour-là, un événement historique se produit, comme l'expliquent Marc Blondel pour FO et Louis Vianney pour la CGT. Une poignée de main entre le leader de Force ouvrière et celui de la CGT, on n'avait pas vu cela depuis des années. Un geste symbolique, si ce n'est historique, qui se voulait à la hauteur de l'enjeu. Je pensais qu'un Premier ministre, ça devrait essayer d'avoir un gouvernement qui stabilise les choses, qui calme les choses, etc. Lui, il met un chiffon rouge. Pardonnez-moi, je suis un taureau, ça marche bien. La situation exige effectivement qu'il y ait toujours plus de rassemblement, plus de convergence. Et je crois que la combativité telle qu'elle est en train de s'exprimer appelle des suites. Première fois depuis la scission de 1947, les deux secrétaires généraux de la CGT et de FO défilent côte à côte sous une banderole commune. Et le mouvement continue de s'étendre. C'est au tour des centres de tri postaux de se mettre en grève, puis d'EDF-GDF, rejoint bientôt par les agents de France Télécom. Dans toute la France, des assemblées générales, chez les cheminots et dans les entreprises publiques, votent la grève à l'unanimité. Au cœur des manifestations, fonctionnaires, cheminots, agents des collectivités locales, du trésor public, mais aussi, toujours, les étudiants, les professeurs, puis les infirmiers, tout le monde s'y met. C'est tout le service public qui est désormais en grève. D'une manifestation pour la défense des régimes spéciaux de retraite, on est passé à une opposition totale au plan Juppé. La France s'installe dans la grève, les usagers entrent dans la débrouille. Aucun train ne circulera sur les lignes de la banlieue de Paris-Saint-Lazare. J'habite place d'Italie et je viens à Levallois. Imaginez un peu, traverser de Paris. À mon âge, à 60 balais. Moi, je n'ai pas le choix, je travaille. Je fais partie de ces quelques pourcents de la population qui font vivre plus de l'autre moitié. Alors moi, la grève, pour moi, ça n'existe pas. C'est une raison de plus pour faire du vélo. C'est pas polluant et c'est pas emmerdant les jours de grève. Voilà. Et pendant ce temps, le slogan « Tous ensemble » symbolise l'union. Tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais. On s'est battu pour la carrière, on s'est battu pour la carrière. On est en train de nous fonctionner complètement, on met en cause tout le système et on tape pas aux vraies portes. Hein. Je ne veux pas qu'on s'y attaque, je veux conserver les droits acquis, les droits que mon père a acquis bien autrefois, bien avant moi, et que je trouve essentiels. J'ai une caisse de prévoyance et une caisse de retraite que j'ai défendue pendant un mois au mois d'août en 1953. Nous avons sauvé à ce moment-là notre caisse de retraite et de prévoyance des cheminots et nous insistons maintenant pour continuer à la conserver le plus longtemps possible. Tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, tous ensemble, ouais. Mais que fait le gouvernement et son chef? La question, cette fin de mois de novembre, après une semaine de blocage, est sur toutes les lèvres. La réponse, elle tient en deux mots. Il attend. Car c'est le mot d'ordre, attendre. Oui, attendre que la colère passe, que les Français se lassent, que le privé s'agace face au corporatisme du public. Le Premier ministre joue aussi la carte de la communication. Il est persuadé que le mouvement repose sur l'incompréhension de son plan. Alors, il charge le porte-parole du gouvernement, Alain Lamassoure, de tenir un point de presse quotidien sur le sujet. Bernard Ponce, le ministre des Transports, reçoit les syndicats de cheminots, sans résultat. Face au blocage du pays, on réquisitionne les bateaux-mouches, on affrète des bus de compagnie privées. Peine perdue. Le gouvernement reçoit par ailleurs un soutien inattendu. À l'initiative de la revue Esprit, un groupe d'intellectuels de gauche, parmi lesquels on retrouve l'historien Pierre Rosanvallon, le sociologue Alain Touraine ou encore le philosophe Paul Ricoeur, prennent la défense du plan Juppé et saluent le courage de Nicole Notta, la secrétaire générale de la CFDT. Dans le même temps, le gouvernement tente d'organiser une riposte politique à la contestation sociale. La direction du RPR donne l'instruction de favoriser la création de comités d'usagers et de préparer des contre-manifestations. Pendant ce temps, Alain Juppé communique laborieusement. Nous n'entendons pas unifier les régimes de retraite qui sont nés d'une longue histoire, ni les intégrer dans le régime général. Mais ce lien entre retraite et statut ne fait pas obstacle à l'examen objectif, équitable, de l'ensemble des paramètres pris en compte pour le calcul des pensions. Je souhaite ainsi que soient clarifiées les données d'équilibre de ces régimes. C'est en ce sens qu'il vous appartiendra de préciser les modalités selon lesquelles pourrait être créée une caisse de retraite des agents de la fonction publique de l'État. On en est là, après une semaine de grève. D'un côté, on attend l'essoufflement du mouvement, de l'autre, son extension au secteur privé. En une semaine, le bras de fer entre Alain Juppé et l'ensemble des services publics a pris une ampleur inédite. Surtout, les Français comprennent que 6 mois seulement après avoir voté majoritairement pour Jacques Chirac, ce dernier n'appliquera pas le programme pour lequel il a été élu, il fera même tout le contraire. Adieu la fracture sociale, bonjour la fracture politique entre gouvernants et gouvernés. On vous laisse la tribune, les honneurs du pouvoir, on vous laisse voler la victoire. On vous laisse le soin de bien ingurgiter notre part de votre marché. On vous laisse notre âme sur le bas-côté, endettée, endettée, en détresse. À genoux de chagrin d'avoir fait le baise-main à l'austérité, son Altesse. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés. De quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse libéral démocratisé, chômage à volonté. On vous laisse nos destins s'ouvrir les veines en commission européenne. On vous laisse allonger la peur dans notre lit, mais faut pas toujours croire ce qu'on dit. À Athènes, Apollon a raison de chanter ma liberté. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés. De quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité. De quoi vous distraire pour quelques années. On vous laisse ArcelorMittaliser, à Florange, l'or et l'acier. On vous laisse cet étrange capitaliser sur la précarité. On vous laisse à vos super hyper profits pour la belle vie. Chez Lidl, le pack de bière à des pulsions suicidaires. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés. De quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité. De quoi vous distraire pour quelques années. Madame, Monsieur, bonsoir. La France en direct ce soir, édition spéciale. Pourquoi ça bloque au 7e jour, au 8e jour de la grève de la SNCF, rejoint par les agents de la RATP, parfois de la Poste et aussi de DFGDF. Il nous a semblé indispensable de provoquer ce soir cette émission. Le 1er décembre 1995, sur France 2, une émission spéciale, La France en direct, présentée par Daniel Bilalian et Benoît Duquesne, fait le point après une semaine de grève illimitée dans les transports et de manifestations du secteur public dans toutes les grandes villes de France. L'émission est un condensé de l'affrontement qui se joue. D'un côté, les journalistes et les invités, hommes politiques, patrons, experts, très à l'aise sur le plateau, dans le confort des studios, un peu chez eux, largement acquis au plan Juppé. De l'autre, les grévistes, cheminots, étudiants, postiers, en duplex, dans la nuit froide des piquets de grève et la lumière des braseros, tous unis contre le plan Juppé. La confrontation de ces deux France renvoie précisément l'image d'un pays coupé en deux. France d'en bas, France d'en haut, comme le dira un successeur d'Alain Juppé à Matignon. Et alors qu'en plateau, on dénonce le corporatisme, les privilèges et l'anachronisme des statuts du secteur public, Jean-Jacques Ross, agent La Poste et gréviste, prend la parole. À Strasbourg, nous sommes contents de pouvoir prendre la parole enfin. On a plein de choses à dire. Les politiques ont confisqué toute la soirée la parole, quoi. Et bon, ils ont dit des choses qu'on connaît, qui nous ont rabâchées depuis des années. Comment je veux dire, bon, je suis pas un habitué de la parole, quoi. Donc, je bégaye un peu. Mais bon, on est là, on nous traite de nantis, on nous traite de privilégiés. Qu'est-ce que c'est, nous? On travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comment est-ce vous ressentez le fait que quelquefois, éventuellement dans les manifestations sur le terrain, des gens puissent vous dire, mais vous quand même, dans la fonction publique, dans les services publics, vous êtes privilégié parce que vous êtes quand même protégé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait réagir, ça? Moi, je me sens pas privilégié. Je travaille de nuit. Je travaille de 7 heures du soir jusqu'à jusqu'à 6 heures du matin. Je travaille, bon, c'est des vacations qui sont longues et pénibles. Je me demande où je suis privilégié. Je gagne 8500 balles par mois. J'ai 24 ans d'ancienneté, quoi. Mais bon, il n'y a pas que nous dans le jeu. C'est-à-dire, nous, on a eu un niveau d'emploi qui était correct. Et on va laisser quoi derrière nous? On va laisser des cimetières d'emploi. Tout est sinistré ou tout va être sinistré. On n'a pas le droit de faire ça. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de laisser faire. L'intervention de Jean-Jacques Ross est un résumé saisissant de ce que le gouvernement, lui, ne parvient pas à saisir. Oui, les grévistes défendent leur statut, leurs intérêts particuliers, mais leur lutte véhicule aussi et surtout un sentiment plus largement partagé par les Français, celui de l'attachement au service public, à un système de sécurité sociale unique au monde, le refus de tous les efforts qu'on leur demande alors que le chômage continue d'augmenter, les emplois de se précariser et l'exclusion de s'aggraver. Ainsi, à la surprise générale, après plus d'une semaine de grève, alors que le pays est plongé dans l'immobilité et le froid, un sondage d'opinion indique que les deux tiers des Français soutiennent ou ont de la sympathie pour les mouvements sociaux. On commence même à parler de grève par procuration, pour expliquer la faible mobilisation du secteur privé, menacé par la précarisation des emplois et le chômage, mais qui soutiennent les grévistes. Dans ce pays bloqué, l'automne 95 devient une parenthèse, un moment à part. Les Français s'adaptent, se rapprochent, s'entraident. On sort ses rollers, sa vieille bicyclette, on fait de l'autostop. C'est le temps du covoiturage avant l'heure. En chemin, on discute, on partage, on refait le monde. Là où d'ordinaire on s'engouffre dans le silence, dans ces transports qui n'ont de commun, parfois, que le nom. Le Parti Socialiste, qui sent lui aussi le vent tourner, dépose une motion de censure contre le gouvernement. Et puis un groupe d'intellectuels de gauche, emmené par Pierre Bourdieu, apporte son soutien aux grévistes dans une tribune publiée par la revue Esprit. Les leaders syndicaux, Louis Vianney et Marc Blondel en tête, intensifient leur discours, appellent à la grève générale et encouragent l'entrée du secteur privé dans le mouvement. On sent, oui, c'est clair, une volonté de renverser la table de la part des forces sociales de ce pays. Le 5 décembre, alors qu'il se met à neiger, une nouvelle démonstration de force se manifeste dans toute la France. Il n'y a pas de lassitude. Non, nous, on n'est pas lassés de venir manifester dans la rue. On serait beaucoup plus lassés si on pouvait pas laisser à nos enfants une sécurité sociale qu'on a trouvée nous. On n'est pas prêt de lâcher. Il faut pas croire que le gouvernement nous fera lâcher comme ça. On est motivés et on tiendra. Vous êtes tous là dans la lutte comme moi. 14 jours de grève, c'est dur et nous avons des enfants. Mais je me sens digne aujourd'hui de me battre et digne d'appartenir à la corporation des cheminots. Une fois de plus, ce sont les couches populaires qui sont touchées, qu'il s'agisse des actifs, des chômeurs ou des retraités. On est dans la rue tout simplement parce qu'on est solidaires et qu'il y a des problèmes, il y a une très grave crise sociale et qu'on veut y participer, c'est tout. On se sent concerné. On prendra la place de qui si les fonctionnaires partent à la retraite de plus en plus tard? C'est pour ça que je suis là. Face au mouvement, on commence à murmurer les mots de service minimum, de référendum, de dissolution. Alain Juppé doit réagir. Ce qu'il fait, le 5 décembre, en s'adressant directement aux Français au cours d'une intervention télévisée dont la solennité traduit la gravité de la crise. Chers compatriotes, j'ai souhaité ce soir vous parler personnellement. Parce que je sais que la vie quotidienne de beaucoup d'entre vous est difficile, et que depuis quelque temps, elle est plus difficile encore. Je pense à ceux d'entre vous qui veulent travailler, et qui doivent parfois se lever à 3 ou 4 heures du matin pour rejoindre leur bureau ou leur atelier. Puis je pense aussi aux grévistes. Je sais que ça n'est pas une décision facile que de décider la grève. Et pour les plus modestes, cela implique des sacrifices. Nous sommes dans une situation de blocage et d'affrontement dont chacune et chacun va finir par pâtir. La France a besoin de réformes. Nous allons les faire. Nous allons les faire dans la concertation. Nous allons les faire pour réussir. Nous allons réussir, je le crois, de tout mon cœur et de toutes mes forces. Après presque deux semaines de blocage du pays, autant dire que le message du Premier ministre n'a pas l'effet escompté. Mais il maintient sa réforme et pense adresser un signe d'ouverture avec l'annonce d'une commission pour discuter des points particuliers de la réforme des retraites. Syndicats et grévistes n'en reviennent pas. Alain Juppé continue cette stratégie dite « droit dans ses bottes », pour reprendre son expression utilisée au début du mouvement. Réponse des syndicats, il boycotte la première réunion de la commission. Et les grévistes reprennent le chemin de la rue. Le 7 décembre, on compte plus d'un million de manifestants. Mais le risque, avec les mouvements sociaux qui durent, c'est qu'ils soient moins maîtrisés, que la frustration des manifestants s'accroisse et que la lassitude de tous les acteurs donne lieu à de la violence. Et c'est ce qui arrive. On constate de plus en plus d'affrontements en fin de cortège. La situation économique du pays s'aggrave. La bourse chute. Le blocage des trains de marchandises provoque des conséquences désastreuses. Du côté des syndicats également, on a tout intérêt à ce que la crise ne s'étende pas plus. On l'oublie parfois, mais faire grève est toujours compliqué pour les salariés qui voient leur fiche de paye amputée dans un contexte compliqué. Et puis il y a la fatigue de ces hommes et de ces femmes qui se lèvent à l'aube pour tenir le piquet de grève devant les portes de l'entreprise, dans le froid des heures durant. De son côté, l'obstination d'Alain Juppé n'est plus suivie par Jacques Chirac. Alors en coulisses, on entame la discussion. Et le 10 décembre, le Premier ministre reprend la parole. Il y a un mot qui a fait figure de tabou jusqu'à présent, c'est le mot négociation. Est-ce qu'en rencontrant les principaux responsables syndicaux, d'abord seuls, peut-être ensuite ensemble, est-ce que vous allez négocier avec eux ? Nous ne jouons pas sur les mots. Se concerter, dialoguer, discuter, négocier, de quoi il s'agit ? Il s'agit de se mettre autour d'une table et de trouver des solutions. Alors qu'on utilise le mot qu'on voudra, moi je veux trouver des solutions. On ne peut pas rester dans la situation actuelle qui va avoir, qui a déjà, mais qui risque d'avoir encore plus demain, des conséquences économiques catastrophiques. Comment sortons d'une grève, effectivement ? Comment mettons fin à un mouvement social de cette ampleur ? Utiliser le mot attendu de négociation est un premier pas. Pour les deux camps, l'objectif est simple, il faut sortir la tête haute. Pour Alain Juppé, il faut préserver l'essentiel, maintenir le plan. Pour les grévistes, il faut avoir le sentiment d'avoir gagné, d'avoir fait céder le gouvernement. Il faut avancer, pas à pas. D'un côté, le Premier ministre annonce qu'il retirera sa réforme des retraites et qu'il suspendra le plan SNCF pour apaiser le noyau dur du mouvement, les cheminots, et remettre rapidement le pays en mouvement. Enfin, un sommet social sera organisé le 21 décembre. Du côté des syndicats, pour montrer sa détermination à geler ou faire tomber le plan Juppé devenu l'objectif prioritaire, le 12 décembre, une nouvelle manifestation est organisée. Ce jour-là, près de 2 millions de personnes remplissent les cortèges dans toute la France. Le pari lancé par Alain Juppé le lendemain de l'annonce de son plan a trouvé sa réponse après 3 semaines de conflit. Son gouvernement tiendra-t-il ? La réponse est oui pour le moment, car la stratégie du chef du gouvernement fonctionne. Il parvient, par ses concessions, à créer une dissension au sein du mouvement. Pour les cheminots, la double annonce, suivie d'une garantie signée de la main du ministre des Transports, Bernard Pons, sur la suspension du plan, provoque la reprise partielle des transports. Dans les assemblées générales, à la SNCF, pour la première fois, la grève n'est pas votée à l'unanimité. On a gagné sur les retraites, on n'arrivera pas à faire céder le gouvernement sur son plan. Pour cela, il faudrait que le secteur privé les rejoigne, ce qu'il n'a pas fait au bout d'un mois. Quelques manifestations sont encore organisées et réunissent des centaines de milliers de personnes à travers toute la France. Mais au fil du temps, le mouvement s'essouffle. Classique. La conclusion d'un mois de grève et de manifestations se déroule finalement le 21 décembre au cours du sommet social organisé par le Premier ministre. Un sommet forcément décevant, tant les positions et les stratégies sont divergentes et opposées. 10 heures de discussion, plusieurs pauses, et au final, un Premier ministre ravi. Nous nous fixons une nouvelle ambition pour l'emploi des jeunes, pour l'emploi en général, pour le soutien de l'activité, et j'estime pour ma part que le résultat est au total très positif. Les représentants syndicaux partagent la même fatigue, mais pas franchement le même optimisme. Marc Blondel. Ça a un côté quelque peu surréaliste. Après 3 semaines de lutte, après 3 semaines de crise, pour être clair, ça ne me semble pas être de nature à calmer les esprits. Nicole Nota. Les choses, je dirais, c'est un squelette qui est décidé, des décisions qui sont prises ce soir. Il faut maintenant leur donner de la consistance. Louis Vianney. On avait parlé de sommet, la montagne a accouché d'une souris. À l'issue du conflit de 1995, le Premier ministre parvient à faire passer l'essentiel de sa réforme, et 2 ans après son application, une partie du déficit de la sécurité sociale est résorbée, en tout cas assez, pour qualifier la France pour la monnaie unique. Reste que l'image d'Alain Juppé s'est considérablement dégradée au cours de ce conflit. Il apparaît comme hautain, voire autoritaire. La sanction tombera 2 ans plus tard avec la victoire du Parti Socialiste aux législatives de 97, que de nombreux observateurs verront comme le ricochet politique du mouvement social de 95. Un mouvement qui reste aujourd'hui encore l'une des dernières grandes manifestations de défense des acquis sociaux face à l'offensive néolibérale. Ce n'est rien de moins qu'une certaine idée du service public, de l'État social et de la démocratie que le mouvement tous ensemble a défendu au cours de cet automne 95. 20 ans plus tard, Alain Juppé s'est lancé dans la course à la présidentielle, droit dans ses bottes, dominant les sondages pour la primaire de son camp, offrant l'image d'un homme apaisé, renouant avec une idée de la fonction présidentielle qui tranche avec celle des 2 derniers présidents. Probablement est-ce là son principal atout. Mais les Français ont-ils la mémoire si courte? Les échos de 95 s'inviteront-ils dans les résultats de la primaire? Premier élément de réponse, dimanche. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les grandes grèves de 1995, notre invité Christophe Forcari, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Libé, vous êtes au service politique aujourd'hui, mais vous étiez au service éco à l'époque, service économie et sociale, donc vous avez suivi pour ce journal ces événements de 1995. Alors les auditeurs auront compris que c'est aujourd'hui, comme une fois par semaine, jour de rediffusion, raison pour laquelle vous avez entendu à la fin du récit, Alain Juppé va-t-il se qualifier pour la primaire? Réponse dimanche. Eh bien, ça veut dire que la première diffusion de cette émission avait été en novembre 2016. Voilà. Ceci étant dit, Christophe Orcari, quel souvenir vous gardez de ce travail que vous avez dû faire en tant que journaliste pour Libé, qui a couvert ces grèves de 95? D'abord, un travail long et fatigant, parce que suivre 3 semaines de conflit, avec des manifestations pratiquement toutes les semaines, des cortèges très longs qu'il fallait remonter de long en large, comme un saumon, un fleuve, c'était un peu éreintant. La première impression que j'en garde, c'est le jour de l'annonce du plan Juppé. Tous les gens qui connaissaient à peu près les problèmes de protection sociale, et plus particulièrement de sécurité sociale, avaient salué ce plan comme véritablement un plan de sauvetage de la Sécu. Moi, j'avais milité à l'époque à Libé pour que le titre de manchette, c'est-à-dire la une du journal, soit « Juppé l'audace ». Ce qui avait provoqué le lendemain quelques débats au sein de la rédaction, parce que on trouvait que on saluait peut-être un peu trop. Vous souteniez, quoi. Voilà, on saluait un peu trop une réforme menée par un gouvernement de droite. Mais il est vrai que à l'époque, comme vous l'avez rappelé dans votre récit, toute une partie de la gauche dite trocardienne, social-démocrate, une grande partie de la CFDT, notamment les fédérations qui travaillaient dans le domaine de la protection sociale, les mutuelles, une grande partie du secteur de la prévoyance, ont soutenu. Plus les intellectuels, quelques intellectuels de gauche. Bien sûr. Ont soutenu. Et en fait, on n'a pas vu au départ les proportions que ça pouvait prendre. Et en fait, on n'a pas vu l'amalgame pernicieux qui se créait entre cette réforme de la protection sociale, qui pouvait avoir sa légitimité, même si certains syndicats la contestaient, et l'agglomération malvenue avec la réforme des régimes spéciaux. Il faut savoir qu'à l'époque, en France, il existait plus de 100 régimes spéciaux. On parle toujours de celui des cheminots, mais il y avait celui des clercs de notaire, il y avait celui des dentelières du Pas-de-Calais, il y avait celui des gardiens de phare et balises, et j'en passe, et des meilleurs. Des choses qui résultaient d'une longue histoire sociale et historique. Il y avait même des privilèges qui étaient accordés aux fabricants de pipes de Saint-Claude. Ce qui faisait toujours rire, évidemment. Mais voilà, la réalité était celle-ci. Donc, et là, tout d'un coup, il y a eu une réaction chimique entre les deux qui a fait que la détonation s'est produite. Je pense aussi qu'il y a un facteur historique plus long. C'est celui des promesses déçues. Il y a 81, 83, Mitterrand amorce le tournant de la rigueur. Le chômage ne cesse de croître, comme vous l'avez également rappelé. La précarité s'installe. On voit bien que les services publics n'assument déjà plus totalement leur rôle. 95, Chirac se fait élire sur une promesse non tenue. Et là, on passe encore un cran supplémentaire, puisqu'on donne l'impression de vraiment de toucher à ce qui fait le socle de la communauté. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un conflit qui, au-delà d'être un conflit social, est quasi un conflit culturel par rapport à notre modèle social, dont on dit toujours qu'il est un modèle particulier dans le monde, je ne sais pas à quel point c'est vrai d'ailleurs, mais est-ce qu'il y avait cette dimension-là, quasi-culturelle? Ah oui, certainement, oui. Je pense qu'il y a un attachement des Français, mais même encore aujourd'hui, on peut le voir, parce qu'il n'y a quand même pas un rejet massif de la grève des cheminots. Oui, il y a un attachement particulier à ce qui fait la spécificité du modèle social français, qui est vraiment importante, oui. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce que vous pointiez d'un point de vue politique, parce que c'est important, on n'en a pas beaucoup parlé à l'époque. C'est vrai que cette gauche dite réformiste, qui travaille avec la CFDT, qui est aussi syndicat réformiste, on a l'impression qu'ils ont vraiment cette gauche déjà social-démocrate, qui serait bien même social-libérale, pourquoi pas. Elle saute sur l'occasion. On a l'impression qu'elle saute sur l'occasion et que commence à se dessiner toute cette partie de la gauche qui va se recentrer et qui va finir d'ailleurs par tout perdre pour avoir abandonné la question sociale. Mais ça a commencé avec la mise en place de la CSG par Michel Rocard. 88 donc. Voilà, cette gauche tente effectivement, face à une gauche que certains qualifient d'archaïque, d'entrer dans le sens de la modernité. Donc elle réforme, etc. Et effectivement, 95, c'est l'occasion pour elle de réaffirmer encore plus fortement cette identité réformatrice. J'ai un peu l'impression que c'est la première grande déflagration et que le débat qui s'est noué en 95 s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la dernière présidentielle qui a vu aujourd'hui l'éclatement totale du PS. Mais la comparaison vaut aussi pour la droite, qui, elle, a longtemps tenu un discours très libéral, anti-fonctionnaire, privilégié, etc., et qui aujourd'hui, face à ce gouvernement, tient un discours plus social pour une partie. Alors, on a beaucoup parlé du choix de Fillon et de sa défaite, mais il faut voir que dans les faits, le discours de Fillon était autrement plus libéral que celui tenu par, enfin, à quelques nuances près, mais que celui de, beaucoup plus droitier en tous les cas, que celui d'un Alain Juppé. Donc je pense que le débat de 95 n'a cessé de fissurer le champ politique français jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que cet épisode-là est si important d'un point de vue social et aussi politique. Il y a eu des grandes grèves aussi en 1986, lors de l'hiver 86, qui était glacial d'ailleurs comme le 95. Est-ce que les mouvements de 86 ont laissé une trace aussi forte que 95? Première question, est-ce que 95 est une réminiscence de 86? C'est à 7 ans de différence, non. Je pense que le contexte avait beaucoup évolué. On retrouve déjà quelques thématiques qui filent tout au long de cette période, notamment la période, enfin notamment celle de la protection sociale et surtout celle des services publics qui est vraiment un fil conducteur des revendications de ces 30, 40 dernières années. Il n'y a plus de grandes manifestations ouvrières. Ce sont véritablement des revendications qui tiennent, comme vous le disiez, à un mode de vie, à un modèle social, à la présence des services publics sur le territoire et dans la vie des Français quotidiennement. Et qui tient aussi à un autre phénomène, c'est que la France appartient à l'Union européenne, gérée par Bruxelles, et qu'on l'a dit pendant le récit, s'il fallait combler aussi le trou de la sécu, enfin le déficit de l'assurance maladie, pour parler juste, c'était aussi pour répondre aux critères de convergence de Bruxelles. Alors là, c'est important, est-ce que là, on peut y voir une première réaction du corps social contre la politique de Bruxelles et contre le suivisme de la France ? Embryonnaire, peut-être pas totalement consciente, mais il y avait eu, rappelez-vous, des débats, le traité de Maastricht n'était pas passé très largement dans la population française. Il y avait eu quand même des débats très très forts. Ça veut dire qu'il y avait quand même, de la part d'une partie de la population française, pas majoritaire, mais la préscience de ce que pouvait entraîner ce traité et ses conséquences sur les services publics. Là, depuis des années, on a l'impression aujourd'hui que, alors je vais user d'une métaphore qui va pas être très gentille pour les cheminots, mais qui est vrai et qui explique en partie l'adhésion de la population à ce mouvement, c'est que c'est la dernière citadelle ACG. Oui, c'est le dernier rempart, quoi. Voilà, et que si on lâche là... On change de modèle et de paradigme. Après, où va-t-on aller, quoi, et où ça va s'arrêter? Là, dans le mouvement actuel, on voit bien aussi qu'il y a plusieurs choses qui se mêlent. Il y a aussi l'abandon des classes dans les zones rurales. Tout ça, ce sont des petites choses qui font qu'on se dit, mais on recule, on paye des impôts de plus en plus, mais on recule sur le service qui nous est rendu. Les cheminots, c'est une chose, mais pour nos enfants, c'est pire encore. On voit l'État-providence se déliter point par point, c'est ça. Et on le voit presque. Peut-être pas à l'agonie, ça serait un petit peu aller un peu loin, mais on voit comme ça qu'il tombe, hein, élément par élément. Ce qui m'a frappé dans l'extrait du discours d'Alain Juppé que vous avez passé, si on veut parler de similitude entre les deux mouvements, c'est le choix du vocabulaire. Ouais. Cette nécessité de la réforme, cette volonté de la faire dans la concertation, vous prenez le discours de Macron ou d'Édouard Philippe aujourd'hui, le vocabulaire reste le même. Et d'ailleurs, on va écouter Édouard Philippe, vous avez raison de le dire, parce qu'effectivement, il y a un côté, je reste droit dans mes bottes, hein, tout récemment, il a dit qu'il ne reviendra pas sur certaines dispositions. Bah, vous voyez de quoi je veux parler, un conflit des cheminots. Le gouvernement à la contre-offensive dans les médias. Édouard Philippe ferme dans Le Parisien. J'ai dit qu'il y avait des sujets qui n'étaient pas négociables, nous n'y reviendrons pas. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas ouvert aux discussions pour parler des modalités. Et pour la première fois, Nicolas Hulot monte lui aussi au créneau. Pédagogique, le ministre de la Transition écologique, qui est aussi en charge des transports, prend la plume. C'est parce qu'on a besoin du train pour réussir la transition écologique que nous avons lancé ce chantier. Et Alain Juppé disait, c'est parce que les Français veulent toujours pouvoir profiter des retraites, hein, pour des années qui viennent, qu'il faut faire cette réforme. C'est, finalement, ce sont toujours les mêmes méthodes, qui sont la même rhétorique. C'est à la fois la même rhétorique et c'est à la fois la même problématique aussi. Le même fond du débat. Oui, c'est sûr. Entre ceux qui disent la réforme est une nécessité, sinon nous allons en crever, entre guillemets. La France ne pourra pas s'adapter. Aujourd'hui, on ne parle plus de Bruxelles, on parle même plus loin. On dit le jeu de la mondialisation fait en sorte que si nous ne réformons pas, nous ne serons plus compétitifs et nous perdrons de notre position dans le monde. Et puis ceux qui disent on ne peut pas tout sacrifier à la rentabilité, au profit, voilà. En fait, ces deux lignes de fracture, on voit bien qu'elles perdurent depuis 1995. Elles continueront à agiter la vie politique et la vie sociale française. Alors, on a vu les convergences, les résonances du conflit d'aujourd'hui avec le conflit de 1995, qu'est-ce qui est différent ? Qu'est-ce qui différencie maintenant ce conflit de 1995 et celui d'aujourd'hui, même si on entend les politiques, les syndicalistes tenir un discours qui rappelle celui de 1995 ? Alors, c'est forcément pas tout à fait la même chose. Non, parce que l'effet d'entraînement n'est pas le même. Vous aviez à l'époque l'ensemble des services publics qui étaient touchés. Que ce soit service public d'État, service public territoriaux ou fonction publique hospitalière, ce qui est quand même une masse impressionnante. Là, aujourd'hui, on dit c'est juste le statut des cheminots qu'on va réformer. Donc, très bien, on peut avoir de la sympathie pour ce mouvement, considérer qu'il est légitime ou pas, d'ailleurs, mais il ne peut avoir le même effet d'entraînement global. Alors, il y a bien aujourd'hui les étudiants même qui si se forces, même s'il est fort sur le symbole, il ne peut pas avoir une force d'entraînement globale. On est d'accord. Ne serait-ce que massivement, numériquement. En masse, très bien. C'est pas, ça ne me semble pas possible. Les étudiants, Les étudiants rejoignent le mouvement, ça restera, me semble-t-il. Mais vous savez, la météo sociale est une science très approximative et pas toujours juste, mais je ne pense pas que ça puisse entraîner les mêmes conséquences. Alors, enfin, il y a le rôle des médias. On va écouter une archive, une dernière. Il s'agit du sociologue Pierre Bourdieu sur La Cinquième pour l'émission Arrêt sur image. Rappelons qu'il s'est engagé aux côtés des grévistes par une tribune et même sur le terrain en 1995. Et il parle du rôle de la télé face à ce mouvement social. Je pense que il y avait foule à la télévision. Et on entendait surtout ceux qui n'avaient rien à dire, comme c'est souvent le cas. Je pense que la télévision a cette propriété extraordinaire qu'elle donne presque toujours la parole sur le monde social à ceux qui n'en connaissent rien, et qu'elle donne très peu la parole à ceux qui pourraient en parler. Et c'était particulièrement visible, je pense, dans cette époque, dans cette période. Il est vrai que j'ai pris position sur le sens de ces manifestations dans un lieu très déterminé, à la gare de Lyon, devant des gens qui étaient sortis d'une manifestation. Et j'ai essayé de dire, tout en disant que je n'étais pas détenteur de la vérité absolue sur ce mouvement, j'ai essayé de dire ce qui m'apparaissait être le sens de ce mouvement. Pour une raison simple, c'est que je savais que d'autres le diraient, qui étaient encore plus mal placés que moi. Et évidemment, ils n'ont pas manqué de le faire. Et la télévision, je le dis tout de suite, n'est pas un instrument très favorable à la communication de ce que l'on peut savoir sur le monde social. Bien, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'il nous interpelle, il interpelle la presse, et le travail de la presse au cœur d'un conflit social. Alors c'est notamment l'accusation de passer, par exemple, trop de personnes, des usagers, qui disent « mais c'est scandaleux, vous vous rendez compte à quel point ma vie est dure ». Bon, voilà, il y a une vraie polémique, c'est très sensible. C'est une accusation tout à fait classique. Moi, je pense que notre rôle est plus, en tous les cas, c'est comme ça que nous le concevons et nous le menons à Libération, c'est de décrypter l'ensemble des mesures qui ont été annoncées concernant la SNCF et de voir leur côté, leur impact positif ou négatif à deux niveaux différents, sur celui du statut des cheminots et à la fois sur l'entreprise elle-même. Est-ce que ça va lui permettre d'aller mieux et de retrouver une nouvelle vigueur. Voilà. Ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'en 95, effectivement, il y avait eu, à côté du mouvement social, cet engagement des intellectuels en deux camps, et ça ne s'était pas vu depuis longtemps. Merci infiniment, Christophe Forclary. Je rappelle que vous êtes journaliste à Libération, au Service Éco. Libération, notre journal partenaire, tous les mois. Donc Service Éco, qu'est-ce que je dis ? Plus au Service Éco, au Service Politique. Au Service Politique, vous étiez au Service Éco. Merci en tout cas, comme vous êtes partenaire, je vous dis à bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les grèves de 1995, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Philippe Duclos et Théo Lacombrade qui étaient à la technique aujourd'hui.